Chapitre 11e, le commissaire en étourdu. Une douzaine de soldats aux uniformes tachés et portant l'inévitable brassard rouge étaient groupés çà et là. Leur officier, une serviette bourrée sous le bras, fumait, nonchalamment adossé aux boiseries. Derrière la table, couverte de documents, deux personnes étaient assises, un homme et une femme. Elle était à demi couchée sur son bras, la tête tournée vers son compagnon, les cendres de sa cigarette formaient devant elle un petit tas malpropre. L'homme était grand, large, avec d'énormes mains rugueuses, des cheveux roux et un nez tordu. En voyant son ignoble face, Malcolm s'arrêta stupéfait. Il venait de reconnaître Bulba, et devant ses yeux, sans regard, il frissonna. Le commissaire leva brusquement la tête. « Qui est là ? » demanda-t-il. « Dis-moi, Sophia, qui est-ce ? » « Oh, un bourgeois !» dit la jeune femme avec indifférence. « Un étranger, je crois. Qui êtes-vous, bourgeois ?»« Un anglais !» répondit Malcolm. Au son de cette voix, Bulba dressa l'oreille. « Un anglais !» répéta-t-il lentement. « Celui des puits de pétrole. Votre nom ?»« Hay, Malcolm Hay. » Le visage de Bulba ne refléta aucune émotion. « Et l'autre ?»« Malenkov, » dit le général d'un ton bourru. « Commandant une armée, je me souviens. Tu conduis un fiacre maintenant, camarade. » Et se tournant vers Sophia, « Y a-t-il quelques plaintes contre lui ?» dit-il, « pas que je sache. C'est un aristocrate et un ami de Romanov. » Puis Bulba, désappointé. « Que désirez-vous » « L'étranger, dit Malenkov, voudrait obtenir la permission de rester à Moscou jusqu'à ce qu'il puisse prendre un train pour le Nord. » Le commissaire resta silencieux. Au bout d'un moment, il demanda. « Où couchera-t-il ce soir ?»« Dans mon écurie, près de Vassili Prospect. » L'ex-domestique des Yaroslav se pencha vers sa voisine et lui parla à voix basse. « Fais comme tu voudras, mon petit pigeon, » répondit-elle tout haut. Il médita encore quelques minutes, la bouche entrouverte, puis brusquement « Asseyez-vous, » dit-il. N'ayant pas de siège, Malenkov et Mr. Hay reculèrent parmi les soldats. Il y eut une nouvelle consultation entre Bulba et sa compagne, puis cette dernière appela l'officier qui vint déposer sa serviette sur la table et en tira une liasse de papier. « Sophia, mes yeux, lis-moi leur nom, » dit l'aveugle en tâtonnant des deux mains pour approcher de lui un timbre en caoutchouc et un coussinet d'encre. La jeune femme prit la première feuille et commença. Malcolm osa demander tout bas à son compagnon. « De qui parle-t-il ? » ?»« Des condamnés à mort. » Malcolm frissonna. Sans arrêt, les noms tombaient des lèvres de Sophia et le timbre, qui devait apporter la mort aux uns, la douleur à tant d'autres, frappait, frappait toujours. Plus d'une heure s'écoula ainsi, sans que Bulba eût donné d'autres signes d'attention aux deux visiteurs. « Je n'y comprends rien, » chuchota Malenkov, « il y a quelque chose d'anormal. Pourtant, si nous étions soupçonnés l'un ou l'autre, nous serions depuis trois quarts d'heure en prison. » Tout à coup, le commissaire se leva en disant « Quelle heure est-il ? » Une douzaine de voix lui répondirent. 10h30 déjà. La balayeuse devrait être ici. » Et se renversant en arrière, il se mit à rire aux larmes. Les soldats se joignirent à sa gaieté. À la fin, prenant un mouchoir, il essuya ses yeux éteints et se pencha vers Sophia Kensky. « Redis-moi le nom de l'anglais, je ne m'en souviens plus. »« Ah oui, hey, vous qui êtes un bourgeois, vous avez eu des serviteurs sous vos ordres. Il faut bien qu'une maison soit propre, n'est-ce pas ?»« Certainement, Bulba, » dit Malcolm, sans s'émouvoir. « Il m'appelait Bulba, quelle bonne mémoire !»« Eh bien, tant mieux. Oui, camarade, j'ai servi ce lot insolent. Moi, Bulba, j'ai rampé devant cet homme. »« Bulba, viens ici, fais cela. Bulba, cire mes bottes, approche, mon petit Bulba, et baisse la tête pour que je mette mon pied dessus. Aujourd'hui, il ose m'appeler par mon nom. » Une voix dans le couloir interrompit cet accès de fureur. « Ah, voilà ma balayeuse, hey. Elle vient chaque jour faire ma chambre et mon lit. » Mais comme une servante ordinaire ne me suffirait pas, il faut qu'elle se présente en grande toilette et arrive de Nijitoukaya dans sa plus belle voiture. Ouvrez vos yeux. Malcolm jeta un regard vers la porte et resta pétrifié. La personne qui venait d'entrer était plus élégamment vêtue qu'aucune autre femme de Moscou. Son vaste manteau de fourrure l'enveloppait tout entière et une toque semblable couvrait ses cheveux. Il ne pouvait voir ses souliers en mauvais état ni sa robe misérable. En réalité, il ne vit rien, si ce n'est le délicieux visage, celui de ses rêves. Visage toujours resplendissant de jeunesse, plus beau encore qu'autrefois, peut-être. Elle s'avança fièrement, son petit menton relevé, fixant Bulba avec mépris. Après avoir ôté son manteau et l'avoir accroché à une patère, elle ouvrit un placard et retira un grand balai. « Au travail, Irène Yaroslav !» commanda son maître. Malcolm fit un mouvement et son ami se tourna vers lui tout d'une pièce. « Vous la reconnaissez ?»« Bien entendu. » »« Au fait, c'est peut-être pour cela que Bulba nous a gardés jusqu'à présent. » « Il était domestique chez les Yaroslav, » murmura Malcolm, les dents serrées. « Tout s'explique. Il veut humilier la grande duchesse devant vous. » « Surtout, nettoyez bien !» ricana l'aveugle. « Sofia Kensky, cela ne te met-il pas du baume sur le cœur ? Oh, si seulement je pouvais voir, est-elle à genoux au moins ?» La juive ne paraissait pas se réjouir particulièrement du spectacle. Elle regardait au contraire Irène, les sourcils froncés. Elle se pencha tout à coup et l'interpella durement. « Irène Yaroslav, où est Israël Kensky ?»« Je ne sais pas, » répondit la jeune fille sans lever la tête. « Vous mentez. Dites-moi où il se cache. Est-ce qu'il a fait du livre magique ? Elle le sait, Bulba. »« La paix, » dit ce dernier en mettant sa grosse main sur l'épaule de Sofia. « Elle va me le dire. Tu vas voir. » Et sans rechigner. « Où est votre père, Irène ? Vous le savez mieux que moi. » Cette réponse sembla amuser énormément le commissaire. Il ricana. « Mon père est mort il y a 3 semaines à la forteresse Pierre-et-Paul, » dit la grande duchesse avec calme. Bulba eut un rugissement. « Qui te l'a dit ? Qui ? Avoue-le, j'arracherai le cœur à ce lâche. » « Le haut-commissaire Boyaski. » En entendant ce nom, Bulba dut refouler sa rage. Personne n'aurait osé critiquer un de ces fonctionnaires qui détenaient le droit de vie ou de mort, même vis-à-vis de leurs collègues. Alors, balançant sa grosse tête, il se leva et se dirigea à tâtons vers la grande duchesse qui l'attendait sans bouger. Malcolm n'avait plus d'armes. Ayant été averti par Malenkov qu'il serait fouillé. Mais le russe agissait simplement poussé par sa méfiance d'aveugle. Il se contenta de passer la main sur le visage de la jeune fille. « Elle n'a pas chaud, » dit-il désappointé. « Vous ne vous donnez pas assez de peine, Irène Yaroslav. Demain vous apporterez un seau d'eau et vous laverez le plancher. » Sans répondre, elle continua à travailler, les yeux obstinément fixés au sol, tandis que Bulba regagnait sa chaise. Irène balaya ainsi tout autour de la chambre. Arrivée à l'endroit où était Malcolm, pour la première fois, elle releva la tête et rencontra le regard du jeune homme. Avec une petite grimace, elle porta vivement la main à ses lèvres. Oh, il reconnaissait le geste. Et passa sans prononcer une parole. « Sofia, dis-moi donc ce qu'elle a fait lorsqu'elle a été près de l'anglais. L'a-t-elle vue ? Elle a été surprise, voilà tout, » répondit la juive maussade. « Laisse partir cette femme, Bulba, elle a fini. » Est-ce que cette comédie va durer longtemps ? Tu as affaire à une aristocrate, à une Romanov. N'y a-t-il aucun de tes hommes qui veuille l'épouser ? Attends un peu, ma petite. Tu oublies le livre magique. Je préfère l'avoir que trouver un bon mari parmi les camarades pour Irène Yaroslav. Vous pouvez vous en aller, Irène. Serge ? L'officier qui avait la liste des condamnés à mort et attendait qu'on lui donne un congé s'avança de nouveau. « Emmène notre petit frère Malenkov et l'anglais à la prison de Saint-Basile. Ce sont des ennemis reconnus de la Révolution. »« Je me demande qui donnera à manger à mon petit cheval ce soir, » dit Malenkov, tandis que menot aux mains, Malcolm et lui traversaient la ville aux premières lueurs de l'aurore, croyant tous deux marcher à une mort certaine.